Pèse-le tout. Oh maman, pèse-le tout. La Kenya na yole, yon capitale ya Congo. Vente pèse tout. Pèse-le tout. Oh maman. Oh maman, pèse-le tout. La Kenya na yole, yon capitale ya Congo. Vente pèse tout. Pensa nyonso, oh mama.